إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui, là maintenant, on commence le cours numéro 14 dans l'explication de Al-Ha'iyya, la manzouma de l'imam Ibn Abi Dawood al-Sajistani, rahimahullah, avec le sharh du Cheikh Salih al-Fawzan. Et on est toujours donc dans l'explication du vers dans lequel on explique la foi en Al-Qada ou Al-Qadar. Et juste pour clarifier, comme j'avais expliqué au dernier cours ce matin, que on est dans le cours 14, mais le vers qu'on explique, c'est le vers numéro 21 dans la version qui n'a pas l'ajout, l'ajout des 7 vers. Sinon, celle, la version qu'on est en train d'expliquer, c'est le vers numéro 28. Hein? Et donc, on continue les explications qui concernent la foi en la prédestination, Al-Qada ou Al-Qadar. Donc, le Cheikh Salih Al-Fawzan, il dit, « Sadisan, al-umur allati tatarattabu ala madhhab al-jabriya wal-qadariya. » الأمور التي تترتب على مذهب الجبرية والقدرية. C'est-à-dire les conséquences des égarements et des fausses croyances des deux sectes qui ont dévié dans le Qadar. C'est-à-dire la secte des Jabriya et la secte des Qadariya. Hein? Donc, lorsque quelqu'un suit ces fausses croyances, c'est quoi les conséquences et les effets négatifs que ça peut amener? Donc le cheikh dit يترتب على مذهبهم أمور خطيرة. أولا يلزم من مذهب القدرية إثبات خالقين مع الله وهذا شرك في الربوبية ولهذا سموا مجوس هذه الأمة. Donc le premier point négatif comme conséquence de ces fausses croyances, il dit que le Cheikh Al-Fawzan, hafizahullah, il dit que parmi les choses qui sont impliquées par exemple le madhhab des Qadariya, c'est qu'on affirme qu'il y ait plusieurs créateurs avec Allah subhanahu wa ta'ala, et ça c'est une forme de shirk dans la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala, une forme de shirk dans Ar-Rububiyya, et c'est pour cette raison là qu'on appelle les Qadariya majus hadhihi al-umma, c'est-à-dire ce sont les majus de cette umma. Comme on avait expliqué que les Majus disent qu'il y a deux créateurs, deux dieux. Le dieu du bien et le dieu du mal. Hein? Le créateur de la lumière et le créateur des ténèbres. Donc, c'est pour ça que on appelle les Qadariya Majus ou Hadhihi al-Umma, parce qu'ils ont affirmé plusieurs créateurs avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le Cheikh il dit وَيَلْزَمُ عَلَى مَذْهَبِ الْجَبْرِيَّةِ وصف الله بالظلم وأنه يعذب العباد على شيء لم يفعلوه بل فعله هو فالله يعذبهم على شيء لم يفعلوه وهم يحركون بغير اختيارهم وبغير إرادتهم فهذا فيه وصف الله جل وعلا بالظلم لأنه عذب عباده على شيء لم يفعلوه وإنما عذبهم على فعله هو. Donc le cheikh explique qu'il dit parmi les égarements et les conséquences négatives de la croyance des Jabriyah, il y a le fait que ça implique qu'on décrive Allah subhanahu wa ta'ala comme étant injuste, du fait qu'il va châtier ses serviteurs pour quelque chose qu'ils n'ont pas fait eux-mêmes, mais pour quelque chose que Dieu a lui-même fait, puisque les Jabriyah croient qu'on n'est pas libre et qu'on n'a pas de volonté, et que tout ce qu'on fait, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous force à le faire. Donc, ça implique que Allah subhanahu wa ta'ala, on le décrirait par l'injustice, puisqu'il nous punirait par la suite dans l'enfer pour avoir fait quelque chose qu'on n'a même pas choisi et qu'on n'a même pas voulu. Et donc, ça c'est ce qui est impliqué par la croyance des Jabriyah, que Allah nous châtirait pour quelque chose qu'on n'a pas fait, parce qu'il croit qu'on est comme un instrument dans la main de quelqu'un ou comme une plume dans le vent, et qu'on fait des choses sans le vouloir ou sans le choisir. Et donc ça implique, comme je disais, d'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala l'injustice. Le cheikh dit وَلَا يَخْفَى فَسَادُ هَذَا الْمَذْهَبَ الْبَاطِلِ فَاللَّهُ جَلَّ وَعَلَى يَقُولُ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وربط العذاب بالكفر والمعاصي والسيئات وربط الثواب بالطاعات والخيرات فالله لا يظلم أحدا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها بل هذا هو العدل منه سبحانه وتعالى ومن عدله أنه يضاعف السيئة بل يجزي ومن عدله أنه لا يضاعف السيئة بل يجزي بمثلها فحسب ومن فضله أن يضاعف الحسنة من عنده سبحانه وتعالى وإن تك حسنة يضاعفها فالمضاعفة فضل من الله إلى عشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة أما السيئة فإن الله يجازي بها فحسب لا يضاعفها وهذا من عدله سبحانه وتعالى. Le cheikh dit que la corruption et la fausseté de cette voie, la voie des Jabriyah, elle n'échappe à personne. Elle est claire. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, dans plusieurs versets, comme par exemple le verset 54 dans sourate Yassin, وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Vous n'allez être rétribué que pour ce que vous faisiez comme action. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous rétribuer selon nos actions à nous. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a relié le châtiment à la mécréance, à la désobéissance et aux mauvaises actions et aux péchés. Et il a également rattaché la récompense à l'obéissance et aux bonnes œuvres et aux choses de bien qu'on fait. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne fait d'injustice à personne. Inna Allah la yazlimu mithqala dharra. Allah subhanahu wa ta'ala ne fait même pas un atome d'injustice. Wa in taku hasanatan yudha'ifha. Yani, si tu fais une hasana, c'est-à-dire une bonne action, il la multiplie dans sa récompense. Donc quand c'est le péché que tu fais, il ne te fait pas d'injustice, il va te punir uniquement pour ce péché-là. Mais si tu fais une bonne action, il ne te récompense pas seulement pour la bonne action, il multiplie la valeur de cette bonne action-là. Donc ça c'est la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il dit, donc ça c'est la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc parmi les exemples de sa justice, c'est qu'il ne fait pas multiplier la valeur du mal ou du péché que tu fais. Il ne multiplie pas les la valeur des mauvaises actions que tu fais. Il te rétribue pour le mal que tu as fait seulement. Tandis que parmi les exemples de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa faveur pour les créatures, il y a le fait que lorsque tu fais une bonne action, il la multiplie. Il la multiplie dans sa récompense. Et il mentionne le verset donc 40 dans Sourate An-Nisa, وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا. Si c'est une bonne action, il la multiplie. Et le fait que Allah subhanahu wa ta'ala multiplie la valeur de tes bonnes œuvres, ça c'est une grâce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il peut la multiplier jusqu'à 10 fois sa valeur, et jusqu'à même 700 fois, et jusqu'à plusieurs fois également, plus que ça encore. Donc ça c'est surtout par exemple dans les moments comme maintenant dans le Ramadan, la valeur de nos œuvres est multipliée des nombres de fois qu'on ne peut même pas connaître ou imaginer. Donc ça c'est pour faire comprendre en fait la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que le péché, si tu fais un péché, il te calcule pour un péché, il ne multiplie pas la valeur de tes péchés. Donc ça fait partie de la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin al-jabriya yasifun Allah bil-zulm wa annahu yu'adhib al-ibad ala af'alihi huwa wa hum lam yaf'alu shay'an wa innama hum muharrakuna kal-alati war-risha fil-hawa wa hadha madhhab batil. Donc les Jabriya, eux, par contre, ils attribuent à Allah subhanahu wa ta'ala l'injustice, et ils prétendent que Allah subhanahu wa ta'ala va punir ses serviteurs pour les actions que Allah fait lui-même, les actions que Allah fait faire à ses créatures sans qu'ils aient la volonté ni le choix dans ces actions-là. Donc ça, c'est de l'injustice, comme une plume qui est poussée par le vent. Donc ça c'est une voie qui est totalement fausse. Thalithan wa yalzamu minhu aw yalzamu alayhi ta'til al-asbab wa an yuqal ma dama innahu qada'un wa qadar fa ana ajlis wal muqaddar sayakun. Fa hadha min salbiyati madhhab al-jabriyya. Parmi les conséquences également qui sont fausses et négatives dans les croyances de ces gens-là, il y a la croyance des Jabriya qui annule les causes et les moyens nécessaires pour obtenir un résultat. Donc ils disent, du moment que tout a été prédestiné et tout a été décrété par Allah subhanahu wa ta'ala, donc j'ai juste à m'asseoir et qu'est-ce qui a été prédestiné va se produire. Donc ça fait partie des aspects négatifs de la voie des Jabriya. ويلزم على مذهب المعتزلة كما سبق الشرك في الربوبية. Donc il dit également, parmi les choses qui sont impliquées, parmi les choses qui ont un lien avec la voie des Mu'tazila, c'est-à-dire les Qadariya, il y a le shirk dans la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala. خامسا ويلزم من على مذهبهم محذور كبير وهو تعجيز الله جل وعلا وأنه يكون في ملكه ما لا يريد ولا يشاء وهذا وصف لله جل وعلا بالعجز وهذا خطر عظيم. Donc le cheikh il dit cinquièmement également, parmi ce qui est impliqué par la voie des Mu'tazila qui sont les Qadariya, il y a également le fait que ils attribuent à Allah subhanahu wa ta'ala l'impuissance et l'incapacité du fait qu'il prétend qu'il y a des choses qui se produisent dans son royaume qu'il ne veut pas. Il pense qu'il y a des choses qui peuvent se produire contraires à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est de décrire Allah subhanahu wa ta'ala par l'incapacité et l'impuissance. Et ça, c'est un grand danger. فَكِلَ الْمَذْهَبَيْنِ بَاطِلٍ وَيَلْزَمُ عَلَيْهِ مَحَاذِيرٌ كَبِيرَةٌ وأما مذهب أهل السنة والجماعة فهو الوسط وهو العدل في كل شيء Donc, dans les deux voies de ces sectes, il y a des aspects qui sont très dangereuses et très graves. Et donc, ce sont des voies très dangereuses, tandis que la voie de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, elle est au juste milieu par rapport à ces deux extrêmes, et c'est la voie de la justice dans toutes choses. Ensuite, le Cheikh dit « Wa Ahl al-Sunnah wal-Jama'a da'iman wasat » ولهذا يقولون هذه الأمة وسط بين الأمم وأهل السنة والجماعة وسط بين الفرق الضالة في هذا وفي غيره فهم يثبتون لله أفعاله وإرادته ومشيئته وقضاءه وقدره ويثبتون للعباد أعمالهم ومشيئتهم وإرادتهم تمشيا مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا ينفون القضاء والقدر كما تقوله المعتزلة ولا يغلون في إثبات القضاء والقدر ويسلبون العباد من مشيئتهم وإرادتهم أو ولا يسلبون العباد مشيئتهم وإرادتهم كما تقوله الجبرية. Donc le Cheikh il explique encore pour résumer tout ce qu'on a expliqué. La voie de Ahl al-Sunnah wal Jama'a, c'est toujours la voie du juste milieu dans toutes les questions. Et ce n'est pas comme certaines personnes s'imaginent, comme par exemple, comme quand on dit par exemple al-wasatiyya, le fait que Ahl al-Sunnah wal Jama'a, la voie d'Ahl al-Sunnah est toujours dans le juste milieu par rapport à deux extrêmes. Ce n'est pas d'être toujours entre deux choses, hein, mais c'est d'être sur la vérité entre les deux extrêmes qui ont dévié par rapport à la vérité. Hein, c'est ça ce que ça signifie. C'est pas juste d'être entre deux groupes ou entre deux choses, parce qu'il y a des gens qui mélangent parfois quand ils disent al-wasatiyya, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là. Ils veulent dire par exemple la modération, sauf que la référence qu'ils prennent pour établir qu'est-ce qui est une modération, qu'est-ce qui est modéré et qu'est-ce qui n'est pas modéré, c'est malheureusement autre chose que le Coran et la Sunna. C'est-à-dire qu'ils se basent pour déterminer qu'est-ce qui est modéré et qu'est-ce qui n'est pas modéré, et en ont leurs propres opinions ou leurs propres jugements ou leurs raisons, et non pas le Coran et la Sunna. Et donc c'est pour cette raison-là qu'ils ne déterminent pas réellement la vraie signification de qu'est-ce que signifie al-wasatiyya. Donc, le Cheikh explique, il dit que Ahl al-Sunnah wal Jama'a est toujours dans le juste milieu, et c'est pour cette raison-là que les ulama disent que cette umma, c'est wasatun bayna al-umam, elle est dans le juste milieu par rapport aux autres peuples et aux autres nations. Ahl al-Sunnah wal Jama'a, elle est dans le juste milieu par rapport aux autres sectes d'égarement. Dans cette question, par rapport à Al-Qadar et par rapport également aux autres questions. Donc, ils affirment à Allah subhanahu wa ta'ala ses actions, sa volonté, son décret et sa prédestination, et ils affirment à la créature ses actions ou leurs actions, leur volonté, tout en marchant selon les textes du Coran et de la Sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, et ils ne nient pas le décret ni la prédestination comme le font les Mu'tazila qui sont les Qadariya, et non plus ils n'exagèrent pas dans l'affirmation du décret et de la prédestination, en niant aux créatures leur volonté et leur volonté et leur choix et leur capacité d'agir également, donc contrairement à ce que disent les Jabriya. Donc ça, c'est un résumé de tout ce qu'on a expliqué ce matin et de ce qu'on a expliqué maintenant. Le Cheikh il dit ensuite: هنا مسألة وهي هل الذين ينفون القضاء والقدر يحكم عليهم بالكفر. Donc, il y a une question maintenant qui est importante. Est-ce que ceux qui nient Al-Qadha ou Al-Qadar, est-ce qu'on juge à leur sujet, ou est-ce que le jugement ou le verdict à leur sujet, c'est qu'ils sont dans le coffre? Est-ce qu'ils ont mécru? Le Cheikh dit Al-Jawab, Al-Ulama fassalu fi dhalik. Les ulama ont détaillé à ce sujet-là. Donc, il y a une réponse détaillée à ce sujet-là. Donc, premièrement, من أنكر المرتبة الأولى وهي العلم وقال إن الله لا يعلم الأشياء قبل وجودها وإنما يعلمها إذا وجدت فحسب، من قال بهذا كفر لأنه نفى علم الله جل وعلا. لكن يقولون إن الذين يقولون بنفي العلم انقرضوا، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية. الشيخ يقول que premièrement ceux qui nient le premier degré du qadar, c'est-à-dire le degré de la science, de la connaissance, hein, et qui disent que Allah ne sait pas les choses avant leur existence, ou qui disent que Allah les connaît uniquement après qu'elles se soient produites ou après qu'elles existent seulement, ceux-là, celui qui dit ça, il est kafir. Celui qui dit ça, il est kafir. Celui qui dit, Allah ne sait pas qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce que tu fais, excepté après que tu l'aies fait, celui qui dit ça, il est kafir. Parce qu'il a nié la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les savants disent par contre que les gens qui disent qui nient ce degré-là, qui nient la science, ils n'existent plus maintenant. C'est-à-dire cette catégorie ou cette partie parmi les gens qui niaient, et en est le qadar en niant la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette catégorie, elle n'existe plus aujourd'hui, comme c'est mentionné par Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dans Al-Aqidat al-Wasitiyya. Deuxièmement, ثانياً, أما بقية المعتزلة فيثبتون علم الله جل وعلا الأزلي ولكن ينفون القدر فهم أهل ضلال ولا يصلون إلى حد الكفر لأنهم أثبتوا علم الله جل وعلا وأثبتوا الكتاب في اللوح المحفوظ وإنما نفوا المشيئة والإرادة يعني أثبتوا العلم والكتاب وغلوا في أفعال العباد وقالوا إنها تقع بغير إرادة الله ومشيئته جل وعلا وهذا موجود ومستمر في المعتزلة من ومن أخذ مذهبهم من الطوائف الضالة. Donc le Cheikh explique que en ce qui concerne le reste des Mu'tazila, qu'on appelle les Qadariyah, ceux qui nient la prédestination, il dit qu'ils affirment la science d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est éternelle. Mais ils nient le qadar, donc ce sont des gens d'égarement. Mais ça ne les amène pas jusqu'au niveau de la mécréance. Ça ne les amène pas jusqu'au degré ou jusqu'à la limite de la mécréance. Pourquoi ? Parce que ils affirment la science d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils affirment également que Allah subhanahu wa ta'ala a tout écrit dans les tables préservées. Ils nient par contre, ce qu'ils nient c'est uniquement la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens que ils affirment la science et ils affirment que Allah a tout écrit, mais ils ont exagéré dans l'affirmation des actes des serviteurs et des êtres humains. Ils ont dit que les actes des créatures se produisent sans que ce soit Allah subhanahu wa ta'ala qui le veuille, sans que ce soit la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette catégorie de Mu'tazila ou de gens qui nient le qadar, elle existe encore aujourd'hui et également chez ceux qui ont pris leur voie parmi les sectes et les groupes d'égarement. وهذه نقاط فهذه نقاط مختصرة في هذا الباب العظيم ولكن حسب المسلم أن يعرف هذه المبادئ ويتوقف عندها ولا يتوغل في البحث في القضاء والقدر ولا يفتح على نفسه باب التساؤلات فإنه لن يصل إلى نتيجة لأن القضاء والقدر سر الله جل وعلا في خلقه فلا يمكن أن تصل إلى نتيجة من التساؤلات فعليك أن تتمشى مع مدلول الكتاب والسنة وتثبت القضاء والقدر وتعرف أدلته وتعرف حكم من أنكره. Donc le cheikh il dit que ça ce sont seulement des points résumés dans les questions de qada et de qadar. Et c'est un, bien entendu, un sujet très grand. Donc ça c'est seulement des petits points résumés à ce sujet. Et qu'est-ce qui est suffisant pour le musulman? C'est de connaître ces points-là qu'on a mentionnés et ces principes-là et de s'y arrêter. Comme Cheikh Mohamed Aman Al-Jami, quand il explique Al-Qada wa Al-Qadar, il dit que c'est suffisant pour le musulman de savoir que ma sha Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut, c'est ce qui est, et ce que Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas, n'est pas. Si tu comprends ça et tu as accepté ça, ça c'est suffisant. Ou bien également, si tu veux, également les 4 degrés de la prédestination, que Allah a tout su, qu'il a tout écrit, qu'il a voulu tout ce qui se produit et qu'il a tout créé. Donc ça c'est les bases de la foi en la prédestination, comme on l'a expliqué. بقيت مسألة أخرى ذكرها أهل العلم وهي مسألة الاحتجاج بالقدر. Donc le cheikh dit, il reste juste une petite question que les ulama ont mentionnée. C'est la question des gens qui essaient d'utiliser le qadar comme un argument ou comme une excuse pour ce qu'ils font. Qui essaient d'utiliser le qadar comme un argument pour justifier ce qu'ils font. Et donc le cheikh Al-Fawzan il va parler un peu donc de cette question-là. Le cheikh il dit: وذلك أن موسى عليه السلام لما لقي أبا البشرية آدم عليه السلام لامه وقال له لما أخرجتنا ونفسك من الجنة فقال أنت موسى كليم الله بكم وجدت هذا مكتوبا علي في اللوح المحفوظ فقال موسى ما معناه إن الله قد كتب ذلك إن الله قد كتب ذلك عليك في اللوح المحفوظ فالجبرية أخذوا هذا وقالوا هذا دليل للجبرية وأن آدم حج موسى بأن ما حصل منه ليس باختياره وإنما هو فعل الله جل وعلا ولكنهم لم يفهموا الحديث فموسى لم يلم آدم على القضاء والقدر وإنما لامه على إخراجهم من الجنة فقال لما أخرجتنا ونفسك من الجنة فاحتج عليه آدم بالقضاء والقدر والاحتجاج بالقضاء والقدر على المصائب جائز ولكنه لأنه يسهلها على الإنسان فلا يجزع ولا يسخط فموسى لم يسأله عن القضاء والقدر ولكن ولم يسأله عن القضاء والقدر لم يقل لماذا قدر الله عليك كذا وإنما قال لما أخرجتنا فالسؤال منصب على المصيبة التي ترتبت على ما حصل من آدم من الأكل من الشجرة. Donc le cheikh explique, il dit: en ce qui concerne l'ihtijaj bil qadar et d'utiliser le qadar comme un argument ou comme un argument ou comme une excuse, il mentionne que il y a un hadith qui est mentionné dans Al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira, et dans ce hadith il y a la mention que Moussa alayhi salam a rencontré le père de l'humanité, c'est-à-dire Adam. Donc Moussa alayhi salam a rencontré Adam alayhi salam, et Moussa a blâmé Adam en lui disant: pourquoi tu nous as fait sortir ainsi que toi-même du paradis? Alors Adam alayhi salam a répondu à Moussa et lui a dit: tu es Moussa, celui à qui Allah a parlé. Combien de temps avais-tu trouvé que cela avait été écrit à mon sujet dans Al-Lawh Al-Mahfouz? C'est-à-dire, cette chose-là avait été écrit par Allah subhanahu wa ta'ala, et c'était écrit que j'allais, hein, sortir du paradis, Allah subhanahu wa ta'ala l'avait déjà écrit. Donc, combien de temps avant que cela se produise, est-ce que tu as trouvé que cela était écrit dans les tables préservées? Donc, ça c'était ce que yani, Adam a répondu à Moussa. Donc, Moussa lui a répondu dans ce qui signifie que Allah subhanahu wa ta'ala avait écrit cela et prédestiné cela, et il l'avait écrit dans la table préservée. Donc, les Jabriya, ils essaient de prendre ce hadith et de l'utiliser pour essayer de défendre leur position. Donc, ils disent, ça c'est une preuve pour les Jabriya, parce qu'ils disent que Adam a réussi à, yani, disons, battre Moussa dans son argument, en disant que, yani, comme ils prétendent eux, que ce qui est arrivé, c'était pas lui qui a décidé, c'était pas de son propre gré, mais que c'était l'acte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le shaykh, donc ça c'est le hadith, et après c'est l'argument des Jabriya, qu'est-ce qu'ils essaient de montrer ou de prouver en utilisant ce hadith. Maintenant le shaykh il explique la réalité de la compréhension de ce hadith et l'erreur dans la compréhension des Jabriya. Il dit, mais les Jabriya n'ont pas compris correctement ce hadith. Parce que Moïse ou Moussa, alayhi salam, il n'a pas blâmé Adam à propos du qada et du qadar, ou à propos de la prédestination. Il a uniquement blâmé Adam du fait qu'il les a fait sortir, ou il nous a fait sortir du paradis. Il n'a pas dit, hein, il a dit, pourquoi tu nous as fait sortir ainsi que toi-même du paradis? Et Adam, alayhi salam, a utilisé comme réponse et comme argument al-qada wal-qadar, c'est-à-dire la prédestination. Et le fait d'utiliser la prédestination comme un argument dans les malheurs qui nous atteignent, ça c'est permis. Hein? Ça c'est permis. C'est comme par exemple, et en supposant que tu es arrivé par exemple en retard au travail, et ton patron te demande pourquoi tu es arrivé en retard, tu dis il y avait une panne dans le métro, ou bien l'autobus a eu une crevaison et donc j'étais en retard. Ça c'est permis d'utiliser al-qada wal-qadar pour expliquer un malheur qui t'est arrivé, hein, et pour justifier un malheur qui t'est arrivé. Et donc le cheikh, c'est ça qu'il donne comme exemple ici. Il dit Adam, il a utilisé le qada et la croyance en al-qada wal-qadar et la prédestination pour justifier le malheur du fait qu'il a été expulsé ou qu'il a été chassé du paradis. Li'annahu, donc pourquoi? Parce que le fait de savoir que quelque chose a été prédestiné pour toi, ça la rend plus facile à l'accepter. Et ça fait en sorte que tu ne vas pas te décourager et tu ne vas pas non plus te mettre en colère par rapport à ce qui t'arrive. Tu sais que ce qui t'arrive, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, hein, lorsque par exemple, comme je disais dans l'exemple, tu t'en vas au travail, il y a une panne dans le métro. Est-ce que tu peux te mettre en colère? Est-ce que tu peux te fâcher, hein? C'est pas ta faute. Tout ça, c'est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui l'a prédestiné. Donc, tu arrives au travail. La seule chose que tu peux dire, si t'es en retard, tu dis, le métro était en panne. Hein? Et ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a prédestiné. Hein? Donc, le fait de savoir que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a prédestiné cette chose-là, ça rend la chose plus facile à accepter. Et ça évite qu'on se mette en colère et qu'on se fâche, ou bien qu'on se sente découragé. فَمُوسَى لَمْ يَلَمْهُ عَلَى الْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ. Donc Moïse, Moussa alayhi salam, il n'a pas blâmé Adam du fait, hein, ou il n'a pas demandé à Adam à propos de la prédestination. Il ne lui a pas dit pourquoi Allah t'as prédestiné ça. C'est-à-dire, Moussa n'a pas dit à Adam, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné pour toi que tu sortes du paradis? C'est pas ça que Moussa lui a posé comme question. Il lui a seulement posé la question, pourquoi tu nous as fait sortir du paradis? Donc, la question est reliée au malheur qui a été la conséquence du fait que Adam alayhi salam a mangé de l'arbre. Et non pas sur la question n'était pas pourquoi Allah a prédestiné ça pour toi. Donc, Moussa n'était pas en train de critiquer la prédestination. Il était en train de critiquer le fait que Adam a fait quelque chose qui a eu comme conséquence justement le fait qu'il sorte du paradis. Et ce malheur-là, c'était quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala avait prédestiné. Donc le cheikh il dit, « Wa Moussa lam yalamhu ala dhanb » Moïse n'a pas blâmé Adam pour le péché. وَلَمْ يَقُلْ لَهُ لِمَاذَا أَكَلْتَ مِنَ الشَّجَرَةِ Et il ne lui a pas demandé pourquoi tu as mangé de l'arbre. لِأَنَّهُ تَابَ مِنْ ذَلِكَ فَتَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالتَّائِبُ لَا يُلَامُ عَلَى مَا حَصَلَ مِنْهُ بَعْدَ التَّوْبَةِ وَإِنَّمَا لَامَهُ عَلَى الْإِخْرَاجِ مِنَ الْجَنَّةِ وَهَذِهِ مُصِيبَةٌ أَصَابَتْ آدَمَ وَذُرِّيَّتَهُ. Donc Moïse, Moussa alayhi salam n'a pas blâmé Adam pour le péché qu'il a commis en mangeant de l'arbre. Il ne lui a pas dit pourquoi tu as mangé de l'arbre. Il lui a dit pourquoi tu nous as fait sortir du paradis. On peut pas blâmer, il lui a pas demandé pourquoi tu as mangé de l'arbre parce que Adam s'est repenti de ça. Il a déjà demandé pardon à Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir commis ce péché-là. Et la personne, lorsqu'elle s'est repentie de son péché, il ne peut plus être blâmé pour qu'est-ce qu'il avait fait avant sa repentance. Une fois qu'il s'est repenti, après sa repentance, on ne peut plus le blâmer pour le péché qu'il a fait auparavant. Donc, il l'a uniquement blâmé pourquoi ? Pour le fait que il est sorti du paradis, et ce malheur a eu des effets et a touché également Adam et ses enfants et sa progéniture. فأدم احتج على موسى عليه السلام وعليهما السلام بالقضاء والقدر والاحتجاج بالقضاء والقدر على المصائب مشروع ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا ولكن قدر الله وما شاء فعل فيحتج بالقضاء والقدر على المصيبة لأنه ليس لك فيها اختيار وإنما هي فعل الله. Donc Adam, il a répondu à Moussa et il a eu le dessus sur lui dans l'argument en mentionnant le qada et le qadar, en mentionnant que ça a été prédestiné pour lui, et d'utiliser le qada et le qadar dans les questions des malheurs qui nous atteignent, ça c'est quelque chose qui est permis. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que si un malheur t'arrive, ne dis pas si seulement j'avais fait ça ou ça, alors cette chose-là ne serait pas arrivée, mais dis plutôt Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné cette chose et ce qu'il veut, c'est ce qui se produit. Et donc, d'utiliser la foi en al-qada wa al-qadar et la prédestination par rapport aux malheurs qui nous atteignent, ça c'est quelque chose qui est permis, parce que c'est pas quelque chose qui est dans notre volonté, ou c'est pas quelque chose qui est dans notre on n'a pas de choix là-dedans. C'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala a fait lui-même. D'accord? Donc, pour comprendre tout ça, en réalité c'est assez simple, c'est que il y a des choses que si par exemple quelqu'un a commis un péché, quelqu'un a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut qu'il sache que l'obligation pour lui c'est de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, et il doit savoir que cette chose-là qui lui est arrivée, ça fait partie de ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui avait prédestiné. Toutefois, la porte de la repentance est toujours ouverte. Une fois que la personne s'est repentie, on n'a plus à le blâmer pour le péché qu'il a commis. Mais si c'est quelque chose qui a rapport avec les malheurs ou les choses qui se produisent autour de nous par rapport aux événements et aux situations et aux circonstances que Allah subhanahu wa ta'ala fait, hein, qui se produisent autour de nous, qui sont hors de notre contrôle, dans ces choses-là, on a le droit de les mentionner la prédestination, hein, et de se justifier par rapport à la prédestination, mais pas dans les désobéissances avant la repentance. Donc, par exemple, si quelqu'un est en train de boire de l'alcool, tu lui dis, « Ya akhittaqillah, ça c'est haram. » Est-ce qu'il a le droit de dire, « Ça c'est Allah qui l'a prédestiné pour moi ?» Non. Mais si c'est quelqu'un qui, par exemple, a bu de l'alcool, s'est repenti, puis par la suite, il n'a plus jamais rebu de l'alcool. Hein? Puis, par la suite, les gens le voient, puis par exemple, les gens le voient, puis ils disent, toi, avant tu buvais de l'alcool. Hein? Toi, avant tu buvais de l'alcool et tout ça. Est-ce qu'il a le droit de dire, ça c'est qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala avait prédestiné pour moi? Dans ce cas-là, il a le droit, puisque c'est quelque chose c'est une chose de laquelle il s'est repenti. Hein? Et donc, ça fait partie des malheurs qui l'ont touché, et donc il s'est repenti, et donc c'est quelque chose par la suite qui est correct, et ça fait partie des malheurs. Mais du moment qu'il est en train de faire le péché et qu'il ne s'en est pas encore repenti, là il ne peut pas justifier ce qu'il fait par la prédestination. Hein? Contrairement à, par exemple, quelqu'un qui a eu un malheur par rapport à ce qui a été prédestiné dans les choses de la dunya. Quelqu'un, par exemple, il roule en voiture, il a un accident. Il dit, « Qadr Allah, ma sha'fa'al. » C'est Allah qui a prédestiné cette chose. Il fait ce qu'il veut. Tu ne peux pas le blâmer pour ça. Tu ne peux pas le blâmer pour ça parce que c'est quelque chose que, peu importe qu'est-ce qu'il allait faire, ça devait se produire. Allah subhanahu wa ta'ala avait écrit que ça devait se produire, donc il ne pouvait pas s'en échapper. Donc dans les malheurs, on utilise, on mentionne al-qadar wal-qadar. Mais dans les actions qu'on fait, qui sont volontaires, on mentionne pas, on n'utilise pas l'excuse de al-qadar wal-qadar. Sauf si c'est quelque chose au passé et dont on s'est repenti. والله اعلم. Donc il dit اما المعصيه فانها فعلك. La différence entre l'accident et le péché, c'est que l'accident, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a fait, c'est Allah qui l'a prédestiné. Tandis que le péché, c'est ton action à toi. Donc tu peux pas utiliser la prédestination pour le justifier. C'est pour ça que le cheikh il dit اما المعصيه فانها فعلك. فعلك أنت فلا تحتج بالقضاء والقدر ولهذا قال العلماء يحتج بالقضاء والقدر على المصائب ولا يحتج به على المعائب وهذا هو الفصل في هذه المسألة العظيمة. Il dit que les ulama disent en général comme règle qu'on peut utiliser l'argument de la prédestination dans les malheurs qui nous arrivent, mais on ne peut pas utiliser la foi en la prédestination dans les choses qui sont blâmables comme des péchés, qu'on commet nous-mêmes. Donc ça c'est la parole tranchante à ce sujet-là et sur cette question. Ensuite le cheikh il dit wa qawlu an-nazim rahimahullah ta'ala wa bil qadr al-maqdur min Allah jalla wa ala ayqin ay amin amin bihi wa a'taqid فإنه دعامة يعني ركن والإيمان به هو الركن السادس من أركان الإيمان وقوله عقد الدين لأن الدين ثلاث مراتب مرتبة الإسلام بأركانه الخمسة مرتبة الإيمان بأركانه الستة ومرتبة الإحسان وهو ركن واحد وقوله والدين أفيح الأفيح المكان الواسع فالدين واسع ولله الحمد وشامل. Donc le cheikh explique la fin de ce vers et il dit que l'imam Ibn Abi Daoud al-Sajistani il dit rahimahullah وبالقدر المقدور c'est-à-dire la prédestination qui a été prédestinée par Allah subhanahu wa ta'ala, sois-en convaincu et crois en cette prédestination-là. Parce que c'est un des piliers de la religion. فَإِنَّهُ دِعَامَ يعني دِعَامَ ça veut dire un pilier, rukun. Et on sait que c'est le sixième pilier de la foi, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné dans le hadith de Jibril. وَقَوْلُهُ عِقْدِ الدِّينِ hein, c'est-à-dire parmi les niveaux de la religion. Parce que la religion, elle est trois degrés, ou trois niveaux. Le premier niveau, c'est l'islam, qui a cinq piliers. Le deuxième niveau, c'est Al-Iman, qui a six piliers. Et Al-Ihsan, qui est un seul pilier, hein, comme on le sait dans le hadith de Jibril. Le Cheikh dit Waddinu Afyahu, c'est-à-dire المكان الواسع الافيح زير المكان الواسع l'endroit qui est large et qui est grand, qui est vaste, hein? Donc la religion elle est vaste, elle est complète. Donc ça, ça y est pour l'explication du vers au sujet de Al-Qadar. Maintenant on passe à l'explication du vers numéro 22 dans la version qui n'a pas l'ajout des sept vers, sinon on est dans le vers numéro 29, dans la version du Cheikh Al-Fawzan, celle qui a l'ajout des sept vers. Le Cheikh dit wala tunkiran, wala tankuran, jahlan nakiran wa munkara, wala al-hawd wal mizan innaka tunsahu. C'est-à-dire, ne nie pas, ou ne rejette pas, par ignorance, la foi en Munkar et Nakir, les deux anges qui viennent nous visiter dans la tombe. De même que Al-Hawd, c'est-à-dire la fontaine ou le bassin dans laquelle les croyants vont boire au jour de la résurrection. De même que la balance qui est utilisée au jour de la résurrection pour peser nos œuvres. Donc, on rentre maintenant dans Al-Iman ou Bil-Yawm Al-Akhir, la foi en le jour dernier. Cheikh Al-Fawzan il dit هذا البيت وما بعده في الإيمان باليوم الآخر وهو اليوم الذي يكون بعد الدنيا وهو يوم الجزاء والحساب ويوم الدين والإيمان به أحد أركان الإيمان الستة التي جاءت في حديث عمر رضي الله عنه في قصة مجيء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة أصحابه يسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان بقوله أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره وهذه الأركان الستة تارة تأتي جميعا في القرآن وتارة تأتي بعدها. Donc le Cheikh explique que ce vers, et qu'est-ce qui vient par la suite, les versets qui vont suivre, parlent de la foi en le jour dernier. Et le jour dernier, c'est tout ce qu'il y a après ce monde. Tout ce qu'il y a après ce monde. C'est-à-dire le jour de la résurrection, le jugement et le jour de la rétribution, et ainsi de suite. Et la foi, hein, le jour dernier, c'est un parmi les six piliers de la foi. Comme ils sont mentionnés dans le hadith qu'on appelle le hadith de Jibril, qui est rapporté par Omar ibn al-Khattab, qui est le premier hadith, non, le deuxième hadith dans les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi. Et c'est le hadith qui mentionne que Jibril est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en présence de ses compagnons pour lui demander au sujet de l'islam, au sujet de la foi et au sujet de l'ihsan et au sujet de l'heure du jugement dernier. Et il lui a répondu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à Jibril en disant: c'est que tu crois, la foi consiste à croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers au jour de la résurrection, hein, au jour dernier, et de croire en la prédestination, de ce qu'Allah a prédestiné de bien ou de mal. Il dit que ces piliers-là, ces six piliers, parfois sont mentionnés ensemble dans le Coran et parfois ils sont mentionnés séparément ou certains d'entre eux sont mentionnés seulement. Il dit وَكَثِيرًا مَا يَأْتِي الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مُقْتَرِنَيْنِ كما في قوله تعالى من آمن بالله واليوم الآخر وقوله يؤمنون بالله واليوم الآخر وتارة تأتي أركان الإيمان في القرآن مجتمعة أو مجتمعة مثل قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وقوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. Donc le cheikh explique que souvent la mention de la foi en le jour dernier vient avec la mention, c'est-à-dire souvent la foi en Allah subhanahu wa ta'ala est accompagnée de la foi en le jour dernier dans plusieurs versets dans le Coran. Comme le verset 62 dans Surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala il dit « Celui qui croit en Allah est au jour dernier ». Dans le verset 44 dans Surat Tawbah, « Il croit en Allah et au jour dernier ». Donc souvent ces deux choses-là sont associées, sont toujours reliées ensemble. Hein? Souvent sont reliées ensemble. Dans d'autres versets, yani, on voit que les piliers de la foi sont mentionnés tous ensemble. Comme dans le verset 285 dans Surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala dit la piété ou la bonté ne consiste pas à tourner tourner vos visages en direction de l'Orient ou de l'Occident, mais plutôt la bonté consiste à croire en Allah et à croire au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. Donc ça c'est le verset 177 dans Surat al-Baqarah, pardon. Je me suis trompé. Et le verset 285 dans Surat al-Baqarah, c'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, le prophète a cru en ce qui a été descendu sur lui de la part de son Seigneur, de même que les croyants. Ils croient tous en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers. Donc ça c'est les piliers de la foi qui sont réunis dans les versets du Coran. فالإيمان باليوم الآخر هو أحد أركان الإيمان هو أحد أركان الإيمان ومن أنكره كفر فمن قال إنه لا يوجد بعث وإنما هي الحياة الدنيا فحسب فهذا كافر لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين ولما هو معلوم من الدين بالضرورة ولا شك في كفر من أنكر البعث والنشور ولهذا قال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فالله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقسم بربه أنه سيبعثه. للشيخ الذي que la foi en le jour dernier, c'est un des piliers donc de la foi, et quiconque le nie, alors il a mécru. Celui qui dit il n'y a pas de résurrection, il y a seulement cette vie seulement, alors celui-là il est kafir. Celui qui dit il y a seulement cette vie d'ici-bas, ce monde, après tu meurs puis c'est fini, il n'y a rien, celui-là il est kafir parce qu'il a traité Allah et son messager de mensonge et il a renié le consensus des musulmans. Et donc du fait qu'il a renié tout ça et qu'il a renié une chose qui est connue de la religion par nécessité, donc il n'est pas considéré comme étant un croyant. Et il n'y a pas de doute de la mécréance de celui qui nie la foi en la résurrection et en le rassemblement au jour de la résurrection. Il mentionne le verset 7 dans Surat At-Taghabun, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ceux qui ont mécru pensent qu'ils ne seront pas ressuscités. » dit, certes, par mon Seigneur, je jure que vous allez être ressuscité et que vous allez être informé de ce que vous avez fait. Et ça, c'est quelque chose de facile. C'est quelque chose qui est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné son messager de jurer par son Seigneur qu'il y allait avoir une résurrection et qu'ils allaient être ressuscité. وقوله زعم الزعم هو الكذب يعني كذبوا في قولهم هذا. Donc dans le verset Allah subhanahu wa ta'ala il dit زعم الذين كفروا. Donc le cheikh explique que زعم en arabe الزعم ça veut dire le mensonge. OK, donc ils ont menti en prétendant ce genre de choses que on serait pas ressuscité. وقال تعالى وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. الشيخ الزي et ils disent, c'est-à-dire les kuffars, dans le verset 29, dans surat al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et ils ont dit, il n'y a que cette vie dans la dunya, cette vie d'ici-bas seulement, et on ne sera pas ressuscité. Ça, c'est les kuffars qui disent ça. Hein? Et le sheikh, il mentionne également le verset 24, dans surat al-Jasiyah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ. Les gens, hein, les kuffars, ils disent, il n'y a que cette vie d'ici-bas. On meurt et on vit, et il n'y a que le temps qui nous fait périr. Ça, c'est la croyance des athées et des matérialistes, hein, qui ne croient en rien. Le cheikh, il dit ensuite, وقال أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. Dans sourate Al-Mu'minun, le verset 35 et 37, Allah subhanahu wa ta'ala dit, est-ce qu'il vous promet, ça c'est la parole des kuffar, yani. Il dit, est-ce qu'il vous promet que vous allez être, lorsque, après être mort, après votre mort, il vous promet, et après que vous soyez mort et que vous soyez devenu de la poussière et des ossements, est-ce qu'il est en train de vous promettre que vous allez être ressuscité et que vous allez sortir de la terre? Hayhat, hayhat, comme est loin ce qu'il vous promet. Hein? Comme est loin ce qui vous est promis. Il n'y a que cette vie d'ici-bas, nous mourrons et nous vivons, et nous ne serons pas ressuscités. Ça, c'est la parole des mécréants. هذه مقالة الكفار قديما وحديثا ينكرون البعث وليس لهم حجة إلا أنهم يقولون كيف يبعث الناس إذا ماتوا وصاروا ترابا فهذا مستحيل. Donc, le cheikh il dit, ça c'est la parole des kuffars dans le passé et aujourd'hui encore. C'est ce qu'ils disent encore aujourd'hui. Ils nient la résurrection. Et ils n'ont aucune preuve. Ils n'ont aucune preuve pour nier la résurrection, excepté qu'ils disent que comment les hommes pourraient-ils, hein, être ressuscités une fois qu'ils sont morts et devenus de la terre ou devenus de la poussière. Ça, c'est, pour eux, ça c'est impossible. Hein? Le cheikh il dit, قال من يحيي العظام وهي رميم. Hein? Il mentionne le verset dans sourate Yassin. قال من يحيي العظام وهي رميم. Subhanallah. Donc les kuffars, ils disaient, qui va faire revivre les os alors qu'elles sont pourries, qu'elles sont décomposées. Subhanallah. Le cheikh dit Subhanallah. Gloire à Allah subhanahu wa ta'ala. هم من قبل كانوا غير موجودين أصلا ثم خلقهم الله جل وعلا فالذي خلقهم في أول الأمر قادر من باب أولى على إعادتهم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم فالقرآن مملوء من الرد على منكر البعث. Le cheikh il dit, donc ils disent, qui va faire revivre les os, les ossements, une fois qu'ils sont décomposés et pourris? Allah subhanahu wa ta'ala, hein, il répond à ces questions-là dans le verset, hein, à la suite de ce verset. Le cheikh il dit, eux déjà en partant, ils n'existaient même pas, c'est-à-dire ils n'existaient pas du tout, et Allah subhanahu wa ta'ala les a créés à partir de rien, puis ensuite il les a fait mourir. S'il les a créés du premier coup, la première fois il les a créés à partir de rien, n'est-ce pas que c'est encore plus facile pour lui de les faire revenir une deuxième fois? S'il est capable de les créer à partir de rien, c'est encore plus facile pour lui de les faire revenir une deuxième fois. Et il n'y a rien qui est difficile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il mentionne la suite du verset 78. Ils disent qui fait revivre les ossements une fois qu'ils sont pourris? Il dit au Muhammad, à ses hommes, dis-leur, c'est Allah, celui qui les a fait la première fois, c'est lui qui va les faire revivre. C'est-à-dire celui qui vous a créé la première fois, c'est lui qui va faire revivre ces ossements-là. Wa huwa bi kulli khalqin alim. Et il est connaissant de toute création. C'est-à-dire c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a la connaissance de toute la création. Donc c'est facile pour lui de faire ça. Wa al-Qur'anu mamlu'un min ar-radd 'ala munkiri al-ba'th. Le Coran il est rempli de réfutations et de réponses contre ceux qui nient la résurrection. Wa aydan law lam yujad ba'th wa jazaa 'ala al-a'mal la kana khalqu al-khalq 'abathan. كيف يخلقهم ويعملون الأعمال الصالحة أو الأعمال الكفرية ثم يموتون ويتركون هذا لا يليق بعدل الله جل وعلا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق تعالى الله عن هذا فالله سبحانه وتعالى لا بد أن يبعث الناس ويميز المؤمنين من الكفار ويجازي المؤمن بإيمانه ويجازي الكافر بكفره وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كلهم يموتون ولا يبعثون ولا يجازون على أعمالهم حاشا وكلا. Donc le cheikh il dit, et également parmi les arguments pour montrer ou pour prouver la résurrection, il y a le fait que s'il n'y avait pas de résurrection et s'il n'y avait pas de jugement et de rétribution, la création serait créée en vain, hein, tout ça serait inutile. Donc le cheikh il dit, donc Allah subhanahu wa ta'ala les aurait créés, et certains font des bonnes œuvres, certains font des actes de kufr, puis après ils meurent et on les laisse. Pas de récompense, pas de punition. Hein? Ça ne convient pas à la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc le cheikh il dit, par la suite, il mentionne des versets, le verset 115 et 116 dans Sourate Al-Mu'minun. Est-ce que vous pensez qu'on ne vous a créé pour rien, en vain, et que vous n'allez pas revenir vers nous? Que Allah subhanahu wa ta'ala soit exalté d'une telle idée. Hein? Qu'il soit exalté, purifié d'une telle idée. Al-Malikul Haqq, le roi de vérité, le maître de vérité. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il soit exalté de cette idée qu'il ferait des choses pour rien ou en vain. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il faut qu'il fasse ressusciter les hommes et pour qu'il distingue entre les croyants et les non-croyants. Et pour qu'il rétribue les croyants pour avoir cru et pour avoir eu la foi et qu'il punisse les koufars pour leur mécréance. Et il dit, il mentionne le verset dans Sourate Sad, le verset 27 et 28, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et nous n'avons pas créé les cieux et la terre en vain. Nous n'avons pas créé les cieux et la terre et ce qui est entre les deux en vain. Ça, c'est ce que croient ou c'est ce que pensent les gens qui ont mécru. Alors, malheur à ceux qui ont mécru d'un feu qui les attend. Hein? est-ce qu'on va mettre celui qui a cru et qui a fait les bonnes œuvres à égalité avec ceux qui font la corruption sur la terre? Est-ce qu'on va mettre ceux qui ont cru et ceux qui ont fait les bonnes œuvres à égalité avec ceux qui ont fait le désordre sur la terre? أم نجعل المتقين كالفجار؟ Où est-ce qu'on va faire? Où est-ce qu'on va mettre ceux qui ont la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont muttaqoun, qui ont le taqwa, à égalité avec les pervers? Il faut qu'il y ait une distinction. Chacun va mourir et ils vont tous être ressuscités et ils vont tous être rétribués selon leurs actions. Hein? Mais de dire qu'ils vont mourir et qu'ils ne seront pas ressuscités, qu'ils ne vont pas être rétribués pour leurs actions, ça c'est quelque chose qui est totalement faux. Hein? Totalement faux et totalement impossible et inconcevable également. Donc le cheikh, yani, il donne cet exemple-là et c'est un exemple concret. On peut tous, hein, on peut tous yani, en juger et en comprendre la signification par rapport à ce qu'on voit autour de nous, et en particulier dans cette société, puisqu'on vit dans une société qui n'est pas établie sur la foi, qui est établie sur le coffre. Et comme le cheikh il nous donne comme exemple le fait qu'on regarde nos œuvres et nos actions. Regardez par exemple le croyant. Imaginez, subhanallah. Il y a des gens dans ce monde, ils font le bien. Ils sont honnêtes, ils respectent les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala, ils s'écartent de ce que Allah a interdit. Et malgré ça, on voit qu'ils sont dans une situation parfois qui est difficile. Peut-être qu'ils sont malades, peut-être qu'ils sont pauvres, peut-être qu'ils ont beaucoup de difficultés, peut-être qu'ils sont handicapés. Tandis que d'autres gens qui vivent dans l'injustice, dans le péché, dans la désobéissance d'Allah, dans la mécréance, dans le shirk, hein, dans toutes sortes de crimes, et pourtant, ils ont la bonne santé, ils ont la richesse, ils ont le confort, le luxe, et tout ce qu'ils peuvent désirer comme bien dans cette dunya. Est-ce que on pourrait accepter le fait que ces deux-là, hein, toute leur vie vivent de cette manière-là. Et puis, ils meurent et que par la suite, les deux, il n'y a rien après par la suite. Il n'y a pas de récompense pour celui qui a fait le bien. Il n'y a pas de punition pour celui qui a fait le mal. Dans ce cas-là, il n'y a pas de justice. Hein? Dans ce cas-là, il n'y a pas de sens. Donc, quand on regarde les choses de cette manière, par la suite, c'est important, hein, de réfléchir maintenant. On se dit, bon, si c'est comme ça, si on suppose, supposons que ce que les koufars disent, lorsqu'ils disent qu'il n'y a rien après la mort, supposons que c'est vrai. Hein, supposons seulement, juste pour argumenter avec eux. Donc, on va leur dire, mais dans ce cas-là, quel est le mérite de faire le bien pour celui qui fait le bien, s'il n'y a rien après? Et celui qui s'abstient du mal, quel est le mérite pour lui de pas faire le mal? Si par la suite, la récompense ou le résultat des deux, c'est équivalent et c'est la même chose, à quoi ça sert d'être bon? Hein? Si celui qui fait le crime et qui fait le mal et qui désobéit, et qui fait toutes sortes de choses, même illégales, il réussit à s'en sortir et il finit sa vie sans être puni. Et celui qui fait le bien et qui est juste et honnête, il finit sa vie sans être récompensé. Et au contraire, même des fois, il subit des punitions ou bien il semble souffrir plus que celui qui fait le mal. Si c'était juste comme ça, hein, où est le mérite de faire le bien? Où est le mérite d'être bon et honnête? Hein? Et où serait le mérite de s'abstenir de faire le mal? Donc ça, c'est un argument pour montrer que si c'était comme ça, ce serait accuser Allah subhanahu wa ta'ala de faire les choses inutilement ou sans sagesse ou sans raison ou sans but. Et donc ça c'est quelque chose dont on n'a pas le droit hein, d'accuser Allah subhanahu wa ta'ala, et on n'a pas le droit d'attribuer une telle chose à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit ensuite, et ça c'est en fait c'est pourquoi on donne cet exemple là, c'est pour montrer l'absurdité des koufars, c'est pour montrer l'absurdité de ce qu'ils font et de la façon dont ils vivent. Parce que tu dis, subhanallah, vous ne croyez pas en rien, vous ne croyez pas en Allah, vous ne croyez pas au jour dernier, vous ne croyez pas en la rétribution, vous ne croyez pas en tout ça. Et puis par la suite, vous dites hein, que yani, vous respectez, ou bien vous dites que par exemple, vous voulez respecter les lois, ou respecter l'honnêteté et faire le bien. À quoi ça sert de faire le bien si vous ne croyez pas qu'à la fin, quand vous allez faire le bien, vous allez être récompensé? À quoi ça sert? Et à quoi ça sert de s'abstenir de faire le mal si, à la fin, vous allez avoir la même rétribution que celui qui fait le bien, que celui qui fait le mal hein? C'est insensé en réalité. Donc le cheikh dit « ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ هَدَّدَ الْكُفَّارُ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْعُصَاتِ بِأَنَّهُمْ سَيَرْجِعُونَ إِلَى رَبِّهِمْ وَيُحَاسَبُونَ وَيُجَازُونَ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْبَعْثَ لَا بُدَّ مِنْهُ وأنه كائن لا محالة لا محالة والدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء هذه حكمة الله سبحانه وتعالى والإيمان باليوم الآخر يشتمل على الإيمان بكل ما يكون بعد الموت من سؤال الملكين في القبر ومن عذاب القبر أو نعيمه ومن القيام من القبور للبعث ومن القيام من القبور للبعث للحشر والوقوف في المحشر وما يجري بعد ذلك كما تواترت بذلك الأدلة من الكتاب والسنة فيجب الإيمان بذلك. Donc le cheikh explique que Allah subhanahu wa ta'ala a menacé les kuffars et les mushrikines et les gens qui font des péchés par la suite qu'ils vont retourner à leur Seigneur, qu'ils vont retourner à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils vont être jugés pour qu'est-ce qu'ils ont fait et qu'ils vont être rétribués, c'est-à-dire celui qui a fait le bien il va aller au paradis, celui qui a fait le mal il sera puni dans l'enfer hein? Et donc ça c'est la preuve qu'il faut absolument qu'il y ait une résurrection hein? Et ça c'est quelque chose qui va se produire sans le moindre doute, et que cette dunya c'est la demeure pour l'action, le travail, le fait d'agir, de faire les bonnes œuvres. Et l'au-delà, c'est la demeure de la rétribution. Donc, il y a des ulama qui mentionnent des fois, ils disent « Ad-dunya mazra'atul akhira ». C'est-à-dire, cette dunya, c'est comme le champ de labour, et l'au-delà, c'est l'endroit où tu vas récolter. Tu vas récolter ce que tu as œuvré. Et il n'y a rien de ce que tu vas récolter excepté ce que tu as œuvré et ce que tu as semé. وَالْإِمَانُ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ يَشْتَمِلُ. Donc la foi en le jour dernier, ça comprend la foi en tout ce qui se passe après la mort. À partir du moment que tu meurs jusqu'à ce qu'on rentre soit au paradis ou en enfer. Donc ça comprend la question des anges lorsqu'ils descendent pour poser la question à la personne qui est mort dans sa tombe, il lui demande les questions. Ça fait partie de l'Iman bil-Yawm al-Akhir. Le châtiment de la tombe ou les délices de la tombe. De même que la résurrection lorsque les hommes vont sortir de leur tombe et qu'ils seront ressuscités et rassemblés tous ensemble dans le lieu de rassemblement où il y aura le jugement. Et tout ce qui se passe également par la suite. Comme ça a été mentionné dans les preuves mentionné dans le Coran et dans la Sunna. Il est obligatoire de croire en ça. Le Cheikh il dit également وَالْإِيمَانُ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ مِنَ الْإِيمَانِ بِالْغَيْبِ فَالْإِيمَانُ بِالْغَيْبِ هُوَ أَحَدُ أَرْكَانَ الْإِيمَانِ بَلْ هُوَ الْإِيمَانِ فَالْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَبِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ مِنَ الْإِيمَانِ بِالْغَيْبِ لأننا لم نرى الله سبحانه وتعالى والإيمان بالملائكة من الإيمان بالغيب والإيمان بالجن والشياطين من الإيمان بالغيب والإيمان بما يكون في آخر الزمان مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان بالغيب والإيمان بما وقع على الأمم الماضية لم نره ولكنه من الإيمان بالغيب. فالغيوب إما ماضية وإما مستقبلة، فيجب الإيمان بها. ولهذا قال سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. بدأ بالإيمان بالغيب، فإنكار البعث يلزم منه إنكار الإيمان بالله جل وعلا، وإنكار الملائكة، وإنكار كل ما لا يقع تحت المشاهدة في هذه الدنيا. وهذا قول الدهرية والملاحدة والمشركين الذين يكفرون بالغيب. Le cheikh il dit donc que la foi en le jour dernier, ça fait partie de la foi en l'invisible. Donc, en réalité, le cheikh il dit que il dit فالإيمان بالغيب هو أحد أركان الإيمان. La foi en l'invisible, c'est un des piliers de la foi. Et en réalité, c'est la foi elle-même. Parce que de croire en Allah, en ses noms et en ses attributs, tout ça, ça fait partie de croire en l'invisible. Parce que personne n'a vu Allah subhanahu wa ta'ala. La foi en les anges, ça fait partie de croire en l'invisible. De croire que les djinns et les shayatins existent, ça fait partie de la foi en l'invisible. La foi en qu'est-ce qui va se passer à la fin des temps, les signes du jugement dernier, que le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a mentionné, ça fait partie de croire en l'invisible. De croire en qu'est-ce qui s'est passé dans le passé aux peuples qui nous ont précédés, qu'on n'a pas vu, ça aussi, ça fait partie de la foi en l'invisible. Donc, les différentes catégories de choses invisibles, yani, on est obligé d'y croire. Et ce sont des choses qui sont soit des choses reliées au passé, ou soit des choses qui sont reliées à qu'est-ce qui nous attend dans l'au-delà ou dans l'avenir. Parmi les choses qui ont été mentionnées dans le Coran et dans la Sunna, ça c'est obligatoire pour nous d'y croire. Et c'est ça la différence entre le croyant et le non-croyant. C'est qu'il croit en l'invisible. Contrairement à ceux qui sont matérialistes et qui croient uniquement en ce qu'ils peuvent voir ou toucher ou sentir, ou bien comprendre avec un de leurs cinq sens. Hein? Donc, les croyants, ce n'est pas le cas. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le début de Surat al-Baqara, dans les versets de 1 à 3, dans Surat al-Baqara, Alif Lam Mim, voilà le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, une guidance pour les pieux, ceux qui croient en al-Ghayb. Alladhina yu'minuna bil-Ghayb. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a commencé à parler de la foi en mentionnant la foi en l'invisible. Donc le fait de nier la résurrection, ça implique qu'on nie la foi en Allah également. Et ça implique qu'on nie la foi en les anges et qu'on nie tout ce qui est, tout ce qu'on ne peut pas voir dans cette dunya, parmi les éléments de la foi. Comme le disent par exemple, ou comme le font les dahriya, les matérialistes et les athées. Parmi et les mushrikines qui ne croient pas en la résurrection et qui croient et qui rejettent la foi en l'invisible. Le cheikh il dit ensuite: فالإيمان باليوم الآخر يشمل كل ما يكون بعد الموت وأول ذلك أن الميت إذا وضع في قبره وسوي عليه التراب وانصرف عنه الناس وإنه لا يسمع قرع نعالهم يأتيه ملكان فتعاد روحه في جسده ويجلسانه ويسألانه من ربك ما دينك من نبيك ثلاثة أسئلة فإن أجاب عنها بجواب صحيح نجا وفاز وأفلح وإن لم يستطع الجواب خاب وخسر وضل سعيه. Le cheikh explique, il dit que la foi, hein? Donc, de croire en le jour dernier, ça fait partie donc, ou bien parmi les choses qui ont rapport avec la foi en le jour dernier, il y a tout ce qui se produit après la mort. C'est ça ce que le cheikh explique ici. Et la première chose, une fois que tu es mort, ou une fois que quelqu'un est mort et qu'on le dépose dans sa tombe, et qu'on a terminé de remplir sa tombe de terre, et que les gens se sont éloignés, et que la personne qui est morte entend les pas de la personne ou le bruit des sandales des personnes qui s'éloignent ou de leurs chaussures, eh bien, deux anges descendent dans la tombe. Et l'âme de cette personne est ramenée dans son corps. Et les deux anges s'assoient près de lui et ils lui posent les questions. Qui est ton Seigneur? Man Rabbuk. Quelle est ta religion? Ma Dinuk. Et qui est ton prophète? Man Nabiyuk. Et ça, c'est mentionné dans les hadiths authentiques, dans Al-Bukhari et Muslim. Donc, ce sont trois questions. Celui qui répond à ces trois questions par une réponse qui est correcte, alors il a été sauvé, il a eu le succès, hein, et il a réussi. Mais celui qui n'est pas capable de répondre correctement, alors il a perdu et il a péri et il a gaspillé ses efforts. وقول الناظم رحمه الله ولا تنكر جهلا يعني الشيء الذي تجهله لا تنكره فليس كل شيء تجهله تنكره بل تؤمن بما صح بما ثبت وإن لم تعرفه ولم تدركه قال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فالواجب أن تؤمن بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وما صح عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وإن لم تعرفه وتتصوره فإن هذا له مستقبل يقع فيه لكل نبأ مستقر فسوف تعلمون فالأنباء والأخبار التي أخبرتم بها كل له وقت كل شيء له وقت إذا جاء وقته ظهر فواجبنا الإيمان به لأنه كلام الله جل وعلا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Donc le cheikh il dit que l'auteur, l'imam Ibn Abi Daoud, il dit donc dans la suite, ne nie pas par ignorance. C'est-à-dire que la chose que tu ignores, ne la nie pas. Hein? C'est pas toute chose que tu ignores, tu la rejettes ou tu la nies. Tu dois croire en tout ce qui est authentique et tout ce qui a été affirmé de manière authentique, même si tu ne le connais pas, même si tu ne l'as pas compris, même si tu ne l'as pas saisi, tu dois y croire. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 39 dans Surat Yunus, mais ils ont traité de mensonges ceux qu'ils n'avaient pas enveloppés de leur science et dont ils n'avaient pas encore vu l'accomplissement. C'est ainsi que ceux qui étaient là avant eux avaient traité de mensonges. Donc les gens, c'est ce qu'ils font. Ils traitent de mensonges quelque chose parce que ça ne s'est pas encore produit. Et ils pensent qu'ils sont justifiés en agissant ainsi. Le cheikh, il dit, il est obligatoire de croire en tout ce qui a été rapporté de manière authentique, hein, d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam, même si tu ne le connais pas ou même si tu n'es pas capable de le concevoir ou de l'imaginer, parce que cette chose-là, elle va se produire dans l'avenir. Hein? Chaque information a un moment fixé et certes vous allez savoir. Donc les informations et les annonces qu'on nous a données dans la révélation et qui nous ont été faites, chacune d'entre ces annonces et de ces informations-là a un moment et un temps bien précis dans lequel elle va se produire. Et lorsque son temps arrive, elle va apparaître. Et notre obligation, c'est de croire, parce que c'est la parole d'Allah, Jalla wa Ala, celui qui dit, La yatihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi. C'est-à-dire, le Coran, le faux ne peut pas l'approcher, ni par devant, ni par derrière. Il n'y a rien qui peut l'atteindre de la fausseté. Dans le verset 42 dans sourate Fussilat. Et de même que la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam qui ne parle pas selon sa passion. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى فَلَا نَعْتَمِدُ عَلَى عُقُولِنَا وَإِنَّمَا نَعْتَمِدُ فِي أُمُورِ الْغَيْبِ عَلَى الْوَحْيِ الْمُنَزَّلِ وَلَا نَتَدَخَّلْ بِعُقُولِنَا وَأَفْكَارِنَا وَأُمُورِ الْبَرْزَخِ مِنْ أُمُورِ الْآخِرَةِ وَلَوْ كَشَفْنَا عَنِ الْعَبْدِ بَعْدَ وَضْعِهِ فِي قَبْرِهِ لَوَجَدْنَاهُ كَمَا وَضَعْنَاهُ وَلَكِنْ هُوَ فِي حُكْمِ عَامِلٍ آخَرَ في حكم عالم في حكم عالم آخر وما يجري عليه لا نراه ولا نحس به لأنه في عالم آخر مغيب عنا. Le Cheikh il dit que on ne doit pas se baser pour comprendre ces choses-là, on ne doit pas se baser sur notre raison ou nos pensées ou nos idées. C'est des choses qui ont rapport avec un autre monde, une autre dimension. Et si on commençait à creuser ou essayer de voir la personne qui a été mise dans sa tombe, on creuse pour essayer de voir, après qu'on l'ait déposée dans sa tombe, est-ce qu'il y a quelque chose qui est changé sur elle? On découvrirait qu'elle est telle qu'on l'a mise. Mais elle est dans une autre dimension et un autre monde. Donc qu'est-ce qui lui arrive? On ne peut pas le voir et on ne peut pas le sentir. C'est pas par rapport à des choses qui sont reliées à ce monde, c'est un autre monde maintenant, une autre dimension, quelque chose qui nous est caché. Parce que sinon, tout le monde aurait cru. Si quand tu mets quelqu'un dans sa tombe, ça y est, tu creuses et tu vois les choses qui se passent, tout le monde allait croire. Et donc il n'y aurait plus de tests, il n'y aurait plus d'épreuves. Hein? Wa qawluhu wa nakiran. ومنكرا اسمان للملكين اللذين يأتيان للميت فتعاد روحه في جسده ويجلسانه حيا حياة برزخية ليست مثل حياته على الأرض وإنما هي حياة البرزخ حياة الآخرة حياة أخروية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. Donc pour terminer donc cette partie, le Cheikh il dit que les deux anges, donc l'imam Ibn Abi Daoud il dit, ne traite pas de mensonges par ignorance, Munkar et Nakir, ou Nakir et Munkar. Ce sont les noms des deux anges qui vont descendre dans la tombe pour venir poser la question aux morts, aussitôt que la personne est enterrée. Aussi, et à ce moment-là, son âme est remise dans son corps. Hein? Et ils viennent s'asseoir à côté de lui et il est vivant mais d'une vie qui est reliée au barzakh. Le barzakh c'est quoi? C'est une barrière ou une autre dimension qui est entre cette vie et l'au-delà, d'accord? Donc on appelle ça en arabe le barzakh. Donc c'est une vie mais une vie qui est différente à notre vie à nous. Et les règles qui s'appliquent dans notre monde, elles ne s'appliquent pas dans ce monde-là. Hein? Et donc, c'est deux dimensions différentes. Et on ne peut pas imaginer ou comprendre comment ça se passe. Donc, c'est une vie, mais une vie différente. Une vie après la mort. Une vie qui a rapport avec une autre dimension que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît. Donc, on va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Et on continuera, Inch'Allah, l'explication du reste de cet aspect ou de cette question qui a rapport avec la foi en l'au-delà dans le cours prochain, Inch'Allah, qui est demain après le Fajr, bi'iznillah. Parce qu'après l'Asr, on va à Aix, en Provence, Inch'Allah. Donc on s'arrête ici. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayh. Barakallahu fikum wa jazakum allahu khayran. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.